go! L'argent, pouvoir, des sous, quoi, m'ont rendu complètement fou, c'est sûr, je suis fou. T'es fou, tu tiens même plus debout. Il est seulement 7h moins le carré, tu dis déjà complètement sous. Je suis beurré, je commence à psychoter. Je me demande si je vais pas m'arracher. Allez, je me casse. Tu te casses, c'est sûr, c'est pas très classe. C'est l'égoïsme pur et dur. Mais pour moi, lutter, c'est trop dur. N'importe quoi, tu dis tout ça pourquoi? Pour que ça rime avec ça.